Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 4, colonne 2. Worcester, Massachusetts. Il y a eu 22 décès en cette cité pendant la semaine dernière, dont 6 d'enfants au-dessous de l'âge de 6 ans. John Kerry, ancien résident de cette cité, travaillant à la carrière de marbre de Rutland Center, Vermont, a été tué lundi dernier par une machine à percer le roc qui lui est tombée dessus. Le révérend, M. Sully, professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, a été nommé vicaire à l'église Notre-Dame de cette cité. Il arrivera pendant le courant de la semaine et célébrera la grand-messe dimanche prochain. La rentrée des classes au couvent des Sœurs de Sainte-Anne, rue Park, a eu lieu lundi dernier et 520 élèves étaient présents, formant une augmentation de 60 sur l'année écoulée. Il y a actuellement 8 sœurs au couvent de Sainte-Anne. Le comité républicain a procédé à son organisation définitive, lundi soir, avec M. H.J. Jennings comme président, M. A.P. Christie, secrétaire, et M. E.M. Stockwell, trésorier. Le comité exécutif se compose du président, du secrétaire et du trésorier, puis de Messieurs Edmund L. Parker, T.M. Remington, J.K. Green, L.J. Goodell, George P. Taft, F.G. Elliott, E.A. McCumber, G.M. Dyson, Charles G. Parker et Joseph Turner. Le comité des finances, des officiers ex-officio et de messieurs George L. Newton, E.H. Hill, William H. Warden, W.J. Hurd, Benjamin Booth, George H. Bushnell, E. W. Vall, E. O. Parker, A. E. Dennis et B. W. Childs. Après la convention d'État de la semaine prochaine, il sera inauguré une série de conventions et les travaux de détail de la campagne seront poussés vigoureusement jusqu'au jour des élections. Monseigneur O'Reilly a officié à l'église Saint-Jean dimanche dernier et a administré le sacrement de confirmation à environ 200 personnes, la plupart des jeunes gens. Le 28 du courant, Sa Grandeur administrera le sacrement de confirmation à l'église Saint-Paul. Dimanche matin, de bonne heure, à Princeton Center, un incendie a détruit l'hôtel de ville et la maison de William H. Tilton, négociant. C'est le premier incendie de quelque importance dans cette localité depuis de nombreuses années. On soupçonne l'action d'une main criminelle. Samedi, pendant la soirée, un commencement d'incendie s'est déclaré dans la cave de Bernard Lynch, marchand de liqueurs en gros, du carré Washington. La cause du feu provenait d'une lampe de kérosène renversée et les dommages se montent à la somme de $500. Assurance. Le bazar de l'église Sainte-Anne a été ouvert lundi soir à la salle mécanique. Il y avait beaucoup de monde. Les décorations et autres arrangements présentaient une apparence de beauté et de goût. La fanfare, Cornet Bend, a donné un concert très bien réussi. La recette a été satisfaisante. Notre cité paraît être plus fortunée que quelques-unes de ses voisines pour son approvisionnement d'eau. Par le jeu constant des pompes, elle est en cause. L'eau du réservoir Lindbrook n'a été employée que pour le service absolument nécessaire. Il y a actuellement dans ce réservoir un approvisionnement de 300 millions de gallons pouvant fournir l'alimentation de la cité pendant 75 jours. Madame Marie Saint-Jean, demeurant rue Norfolk, numéro 16, étant à chauffer un plat d'alcool sur le poêle, le liquide a pris feu et son fils Louis, âgé de 11 ans, a été légèrement brûlé. En tâchant d'éteindre le feu qui consumait les habits de son enfant, Madame Saint-Jean s'est renversé l'alcool en flammes sur ses habits et a reçu des brûlures tellement sérieuses qu'elle en est morte lundi dernier. Ses restes mortels ont été transportés à Quaticook PQ pour l'inhumation. Une de ces dernières nuits, deux voleurs ont tenté de forcer l'entrée du magasin d'habillement de O.N. Taylor & Company au coin des rues Main et Park. De bonne heure, dans la soirée, l'agent de police Herbert remarqua deux individus de mauvaise mine rôdant aux environs du magasin et se mit à les surveiller de près. Plus tard, il les vit entrer par une fenêtre à 8 pieds du sol et disparaître dans l'intérieur de la maison. Ils s'aperçurent de l'arrivée de l'agent de police et se mirent en train de déguerpir. Tous deux ont été arrêtés et conduits à la station de police où ils ont été reconnus pour être Daniel Monahan et Charles Hickey, deux anciens réclusionnaires. Ils ont avoué leurs méfaits à la cour de district le lendemain et devront comparaître plus tard devant la cour supérieure. Dimanche matin, vers 9h, comme M. Joseph Plouffe passait sur le pont en fer à Wilkinsonville, il entendit des gémissements sous le pont et, ayant regardé, il découvrit un homme couché sur un banc de sable à proximité de l'eau. C'était M. Lemay de Wittensville qui avait été à Millbury samedi soir et, ayant manqué le chemin de fer pour s'en retourner à la maison, s'était décidé à faire le trajet à pied. En passant sur le pont vers 8h, il est tombé dans l'eau d'une hauteur de 30 pieds et il lui est juste de rester assez de force pour se traîner sur un banc de sable à côté. Lemay, qui travaille comme forgeron aux usines de Wittensville, a été transporté à la maison dans un très mauvais état. Il est âgé d'environ 55 ans et le résultat du malheureux accident pourrait bien lui être fatal. Personnel. Monsieur l'abbé Joseph Lagueux, curé de Saint-Jean-Port-Joli, Québec, et Monsieur J.W. Joseph Roy, fils du docteur du même nom, de la même localité, étaient en Selleville dimanche dernier. Monsieur Lagueux a dit la messe de 9h à Notre-Dame. Les deux visiteurs sont partis lundi pour New York pour de là retourner au pays. Madame Édouard Bruneau, de Montréal, est actuellement en visite à Worcester chez son père, M. Édouard Lambert. Madame Bruneau est accompagnée par deux de ses demoiselles. M. J. H. Chalifou, étudiant en médecine de Saint-Hyacinthe PQ, est aussi en promenade chez M. Édouard Lambert. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.